La vie est un sucre en morceaux qu'on a posé sur de l'eau. Et sans profiter de la mer, on navigue au présent éphémère. On rame sans relâche et le temps passe. Ni le courage d'être lâche et le temps passe. Et le sucre caresse. Ma vie est un sucre en morceaux que j'ai posé sur ta peau, sur ton corps mouillé de sueur. J'ai choisi le présent du bonheur. Je ramerai sans relâche pour que le temps passe. J'aurai le courage d'être lâche pour que le temps passe. Et que le sucre caresse. J'ai mis dans le thé de tes fleurs le sucre posé sur tes pleurs. Et pour être sûr de la mer, on navigue au futur éphémère. Je ramerai sans relâche pour que le temps passe. J'aurai le courage d'être lâche pour que le temps passe. Et que le sucre caresse. Nos vies sont des sucres en morceaux qui planent au-dessus de l'eau. Et l'on trouvera une terre qui navigue au milieu de la mer. Qu'on a posé sur l'eau.